L'actualité à Nancy et ailleurs. Stéphane Stoche, bonjour. Bonjour. L'association PEL, Projet éducatif local et famille rurale de Bouxières-sous-Froidmont, organise un tournoi de baby-foot ce samedi 19 mars. C'est un événement qui est lancé à votre initiative ? Oui, de mon initiative et aussi de l'AFR de Bouxières-sous-Froidmont. Ce tournoi est un peu particulier parce qu'il est ouvert aussi aux personnes à mobilité réduite. Expliquez-nous un peu pourquoi ce tournoi ? Le tournoi est fait parce que dans le temps, j'aimais bien en fait le baby-foot dans le café. Et du coup, on recrée un petit peu cette ambiance de baby-foot avec tout type d'âge, on va dire, et tout joueur, quoi, qu'il soit expérimenté ou amateur. Vous-même êtes en situation de handicap, je crois. Oui, tout à fait, oui. Ce souhait de réunir du monde et de permettre au plus grand nombre de participer à ce tournoi, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous. Oui, tout à fait, oui. Il faut essayer de maintenant, de nos jours, on est quand même en 2022, essayer de mélanger les gens valides et les gens à mobilité réduite. Et le baby-foot, il y a ce symbole de la convivialité autour de cette pratique. Oui, je pense que c'est plus simple en fait. Et puis essayer de mettre aussi, parce que là on va ramener quelques fauteuils en plus, essayer de mettre les personnes dans un fauteuil pour qu'elles jouent en même temps, qu'elles comprennent un petit peu le handicap en fait. C'est pas la première fois que vous organisez ce type de tournoi ? Non, ça fait 3-4 ans qu'on organise ce type de tournoi, à peu près un ou deux tournois par année. Mais c'est la première fois où on va ramener quelques fauteuils pour essayer de mettre les personnes dans la même situation. Parce qu'il faut parfois avoir des tables adaptées, c'est ça ? Il faut réadapter les tables de baby-foot ? Oui, il existe en fait des baby-foot pour personnes à mobilité réduite. Donc là, on n'en aura pas pour l'instant, parce que c'est très compliqué de se faire prêter un baby-foot pour personnes à mobilité réduite. Donc c'est ce samedi à 18h, donc il y a déjà pas mal d'équipes d'inscrites, je crois. Vous attendez combien de personnes ? Oui, tout à fait. Il y a 22 équipes à l'heure actuelle. On peut en prendre encore un petit peu, mais c'est vraiment une ou deux maximum, quoi, parce que la salle de Bouxières n'est pas très très grande. Et il y a des projets aussi, parce que là, il n'y a pas d'association qui existe à proprement parler, même de club sur le secteur de baby-foot. Vous avez des projets dans le sens de créer quelque chose de plus grand encore ? Il existe une fédération de baby-foot avec quelques licenciés, mais ils sont pas assez nombreux pour que le baby-foot soit reconnu en tant que sport. Mais du coup, s'il y a moyen de ramener quelques joueurs, parce qu'il y a un club qui n'est pas trop loin, a priori, c'est à Algrange. Et du coup, après, si il y a moyen de grossir le club, en fait, pourquoi pas ? Parce que là, ce rendez-vous, donc, c'est à Bouxières-sous-Froidmont. En préparant, vous avez évoqué le fait qu'en novembre, il y aura un autre rendez-vous de programmé, mais dans une autre commune ? Voilà, tout à fait. Oui, vu le nombre d'équipes qu'on a ramené cette fois-ci, de 22 équipes, et j'ai toujours des personnes qui, des retardataires, on va dire, qui téléphonent toujours à la dernière seconde ou qui viennent à la dernière seconde. Et c'est vrai que le prochain tournoi, on organise le 12 novembre prochain, à la salle socioculturelle à Les Ménils, salle qui est beaucoup plus grande. Pour s'inscrire et pour avoir plus d'informations, tout simplement, et pour venir vous filer un coup de main, comment on peut faire ? Bah, il suffit juste de me passer un coup de fil ou de me donner les noms, les deux noms des participants, plus un petit nom d'équipe, et puis le tour est joué. Eh bien, on retrouvera bien sûr votre numéro sur la page d'écoute sur le site de la radio Fadjet.net. Merci beaucoup, Stéphane Stoche. C'est moi. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.